Deutéronome 19. La justice qui protège la vie. Tu dresses des villes de refuge pour que la justice ne tue pas l'innocent. Car même la vérité a besoin d'un cadre pour que la vie soit protégée dignement. Tu demandes témoins pour juger. Tu interdis la vengeance hâtive, car la justice sans sagesse devient une autorité destructive. La justice qui vient de Dieu protège avant de condamner. Apprends-nous ta justice, Seigneur, celle qui protège et qui guérit, pas celle qui est.